mama tika na mibimisa boyeba. Motondi na zua. J'ai vu là-bas l'argent, ça tombe. Piéton, danser dans ce piéton, piéton. Lève ma tête, piéton, piéton. Lève Katy, piéton, piéton. Allons aller, piéton, piéton. Katy, ça, piéton, piéton. Répétez ça, piéton, piéton. Tonton Pilet, piéton, piéton. Piéton, Seigneur, piéton, piéton. Nous cachons faire, piéton, piéton. Des jours que vous l'avez. ya nzambe